Chapitre 11. Kiev. Résolu à poursuivre mon voyage en Russie, je me dirigeai sur Kiev, ville principale de l'Ukraine et jadis de toute la Russie, car cet empire a commencé par établir sa capitale au Midi. Les Russes avaient alors des rapports continuels avec les Grecs établis à Constantinople et en général avec les peuples de l'Orient, dont ils ont pris des habitudes sous beaucoup de rapports. L'Ukraine est un pays très fertile, mais nullement agréable. Vous voyez de grandes plaines de blé qui semblent cultivées par des mains invisibles, tant les habitations et les habitants sont rares. Il ne faut pas s'imaginer qu'en approchant de Kiev, ni de la plupart de ce qu'on appelle des villes en Russie, on voit rien qui ressemble aux villes de l'Occident. Les chemins ne sont pas mieux soignés, des maisons de campagne n'annoncent pas une contrée plus peuplée. En arrivant dans Kiev, le premier objet que j'aperçus, ce fut un cimetière. J'appris ainsi que j'étais près d'un lieu où des hommes étaient rassemblés. La plupart des maisons de Kiev ressemblent à des tentes, et de loin, la ville a l'air d'un camp. On ne peut s'empêcher de croire qu'on a pris modèle sur les demeures ambulantes des Tartares, pour bâtir en bois des maisons qui ne paraissent pas non plus d'une grande solidité. Peu de jours suffisent pour les construire, de fréquents incendies les consument, et l'on envoie à la forêt pour se commander une maison, comme au marché pour faire ses provisions d'hiver. Au milieu de ces cabanes s'élèvent pourtant des palais, et surtout des églises, dont les coupoles vertes et dorées frappent singulièrement les regards. Quand, le soir, le soleil darde ses rayons sur ses voûtes brillantes, on croit voir une illumination pour une fête, plutôt qu'un édifice durable. Les Russes ne passent jamais devant une église sans faire le signe de la croix, et leur longue barbe ajoute beaucoup à l'expression religieuse de leur physionomie. Ils portent pour la plupart une grande robe bleue serrée autour du corps par une ceinture rouge. L'habit des femmes a aussi quelque chose d'asiatique, et l'on y remarque ce goût pour les couleurs vives qui nous vient des pays où le soleil est si beau qu'on aime à faire ressortir son éclat par les objets qui l'éclairent. Je pris en peu de temps tellement de goût à ces habits orientaux que je n'aimais pas à voir des Russes vêtus comme le reste des Européens. Il me semblait alors qu'ils allaient entrer dans cette grande régularité du despotisme de Napoléon, qui fait présent à toutes les nations, de la conscription d'abord, puis des taxes de guerre, puis du code Napoléon, pour régir de la même manière des nations toutes différentes. Le Dnieper, que les anciens appelaient Boristen, passe à Kiev, et l'ancienne tradition du pays assure que c'est un batelier qui, en le traversant, trouva ses ondes si pures qu'il voulut fonder une ville sur ses bords. En effet, les fleuves sont les plus grandes beautés de la nature en Russie. À peine si l'on y rencontre des ruisseaux, tant le sable en obstrue le cours. Il n'y a presque point de variété d'arbres. Le triste bouleau revient sans cesse dans cette nature peu inventive. On y pourrait regretter même les pierres, tant on est quelquefois fatigué de ne rencontrer ni colline ni vallée, et d'avancer toujours sans voir de nouveaux objets. Les fleuves délivrent l'imagination de cette fatigue. Aussi les prêtres bénissent-ils ces fleuves. L'empereur, l'impératrice et toute la cour vont assister à la cérémonie de la bénédiction de la Neva, dans le moment du plus grand froid de l'hiver. On dit que Vladimir, au commencement du XIe siècle, déclara que toutes les ondes du Boristen étaient saintes et qu'il suffisait de s'y plonger pour être chrétien. Le baptême des Grecs se faisant par immersion, des milliers d'hommes allèrent dans ce fleuve abjurer leur idolâtrie. C'est ce même Vladimir qui avait envoyé des députés dans divers pays pour savoir laquelle de toutes les religions il lui convenait le mieux d'adopter. Il se décida pour le culte grec à cause de la pompe des cérémonies. Il le préféra peut-être encore par des motifs plus importants. En effet, le culte grec, en excluant l'empire du pape, donne aux souverains de la Russie les pouvoirs spirituels et temporels, tout ensemble. La religion grecque est nécessairement moins intolérante que le catholicisme, car, étant accusée de schisme, elle ne peut guère se plaindre des hérétiques. Aussi, toutes les religions sont admises en Russie, et depuis les bords du Don jusqu'à ceux de la Neva, la fraternité de patrie réunit les hommes, lors même que les opinions théologiques les séparent. Les prêtres grecs sont mariés et presque jamais les gentilshommes n'entrent dans cet état. Il en résulte que le clergé n'a pas beaucoup d'ascendant politique. Il agit sur le peuple, mais il est très soumis à l'empereur. Les cérémonies du culte grec sont au moins aussi belles que celles des catholiques. Les chants d'église sont ravissants. Tout porte à la rêverie dans ce culte. Il y a quelque chose de poétique et de sensible, mais il me semble qu'il captive plus l'imagination qu'il ne dirige la conduite. Quand le prêtre sort du sanctuaire, où il reste enfermé pendant qu'il communie, on dirait qu'il voit s'ouvrir les portes du jour. Le nuage d'encens qui l'environne, l'argent, l'or et les pierreries qui brillent sur ses vêtements et dans l'église, semblent venir du pays où l'on adorait le soleil. Les sentiments recueillis qu'inspire l'architecture gothique en Allemagne, en France et en Angleterre ne peuvent se comparer en rien à l'effet des églises grecques. Elles rappellent plutôt les minarets des Turcs et des Arabes que nos temples. Il ne faut pas non plus s'attendre à y trouver, comme en Italie, la pompe des beaux-arts. Leurs ornements les plus remarquables, ce sont des vierges et des saints couronnés de diamants et de rubis. La magnificence est le caractère de tout ce qu'on voit en Russie. Le génie de l'homme, ni les dons de la nature, n'en font point la beauté. Les cérémonies des mariages, des baptêmes et des enterrements sont nobles et touchantes. On y retrouve quelques anciennes coutumes du paganisme grec, mais seulement celles qui, ne tenant en rien au dogme, peuvent ajouter à l'impression des trois grandes scènes de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Parmi les paysans russes, l'usage s'est encore conservé de parler aux morts avant de se séparer pour toujours de ses restes. « D'où viens, lui dit-on, que tu nous as abandonnés ? Étais-tu donc malheureux sur cette terre ? Ta femme n'était-elle pas belle et bonne ? Pourquoi donc l'as-tu quittée ?» Le mort ne répond rien, mais le prix de l'existence est ainsi proclamé en présence de ceux qui la conservent encore. On montre à Kiev des catacombes qui rappellent un peu celles de Rome, et l'on vient y faire des pèlerinages à pied, de Kazan et d'autres villes qui touchent à l'Asie. Mais ces pèlerinages coûtent moins en Russie que partout ailleurs, bien que les distances soient beaucoup plus grandes. Le caractère de ce peuple est de ne craindre ni la fatigue ni les souffrances physiques. Il y a de la patience et de l'activité dans cette nation, de la gaieté et de la mélancolie. On y voit réunis les contrastes les plus frappants, et c'est ce qui peut en faire présager de grandes choses, car d'ordinaire, il n'y a que les êtres supérieurs qui possèdent des qualités opposées. Les masses sont, pour la plupart, d'une seule couleur. Je fis à Kiev l'essai de l'hospitalité russe. Le gouverneur de la province, le général Miloradovitch, me combla de soins les plus aimables. C'était un aide-de-camp de Souvarov, intrépide comme lui. Il m'inspira plus de confiance que je n'en avais alors dans les succès militaires de la Russie. Je n'avais rencontré jusque-là que quelques officiers de l'école allemande, qui ne participaient en rien au caractère russe. Je vis dans le général Miloradovitch un véritable russe, impétueux, brave, confiant, et nullement dirigé par l'esprit d'imitation, qui dérobe quelquefois à ses compatriotes jusqu'à leur caractère national. Il me raconta des traits de Souvarov qui prouvent que cet homme étudiait beaucoup, quoiqu'il conservât l'instinct original qui tient à la connaissance immédiate des hommes et des choses. Il cachait ses études pour frapper davantage l'imagination de ses troupes, en se donnant, en toute chose, l'air inspiré. Les Russes ont, selon moi, beaucoup plus de rapports avec les peuples du Midi, ou plutôt de l'Orient, qu'avec ceux du Nord. Ce qu'ils ont d'européen tient aux manières de la cour, les mêmes dans tous les pays, mais leur nature est orientale. Le général Miloradovitch me raconta qu'un régiment de Kalmouks avait été mis en garnison à Kiev, et que le prince de ces Kalmouks était un jour venu lui avouer qu'il souffrait beaucoup de passer l'hiver enfermé dans une ville, et qu'il voudrait obtenir la permission de camper dans la forêt voisine. On ne pouvait guère lui refuser un plaisir si facile. Aussi alla-t-il, avec sa troupe, au milieu de la neige, s'établir dans les chariots qui leur servent en même temps de cahute. Les soldats russes supportent à peu près de même les fatigues et les souffrances du climat ou de la guerre. Et le peuple, dans toutes les classes, a un mépris des obstacles et des peines physiques, qui peut le porter aux plus grandes choses. Ce prince Kalmouk, auquel des maisons de bois paraissaient une demeure trop recherchée au milieu de l'hiver, donnait des diamants aux dames qui lui plaisaient dans un bal. Et comme il ne pouvait se faire entendre d'elles, il remplaçait les compliments par des présents, comme cela se passe dans l'Inde et dans ces contrées silencieuses de l'Orient, où la parole a moins de puissance que chez nous. Le général Miloradovitch m'invita pour le soir même de mon départ à un bal chez une princesse moldave. J'eus un vrai regret de ne pouvoir y aller. Tous ces noms de pays étrangers, de nations qui ne sont presque plus européennes, réveillent singulièrement l'imagination. On se sent en Russie à la porte d'une autre terre, près de cet Orient d'où sont sorties tant de croyances religieuses, et qui renferme encore dans son sein d'incroyables trésors de persévérance et de réflexion.